Baboyi kolala Bakoyemba elongona mope Na ba melodi ya malasi Maloba ya ba charmena Il y a beaya, il y a veninga Il y a beaya, il y a veninga Zembo, zembo, zembo, zembo Zembo ya limoso La la la, la la la la Nazalaki koyemba Zembo, zembo, zembo, zembo Zembo ya limoso La la la, la la la la Navinanga Zembo zembo zembo zembo Zembo ya limoso La la la la la la la Nazara kikoyeba Le le le le le le le le Zembo ya limoso La la la la la la la Navinanga Le le le le le le le le Zembo ya limoso La la la la la la Nazara kikoyeba C'est que Roland, le Parisien. Odette Lessa, la Suissesse. Bangisaye, Bangisaye, Akotika.